ce fatras biscornu, je suis sur la première marche. Je ne suis jamais parmi les vaincus, car la force s'acquiert sous mon arche. Inébranlable, je tisse mon ambition. Sans compromis, je crée mon ouvrage. Prédateur extrême de la compétition, j'atteins toujours les bords du rivage. J'atteins toujours les bords du rivage. Vêtu de blanc et le signe impérial, paria lui, je suis sur mon piédestal. Personne ne m'est similaire, car je suis l'unique révolutionnaire. Inébranlable, je tisse mon ambition. Sans compromis, je crée mon ouvrage. Prédateur extrême de la compétition, j'atteins toujours les bords du rivage. J'atteins toujours les bords du rivage. Dans mon domaine de glorification, ne suis-je pas le descenteur extrême? Celui qui illumine de sa constellation mon outrecuidance suprême. Inébranlable, je tisse mon ambition. Sans compromis, je crée mon ouvrage. Prédateur extrême de la compétition, j'atteins toujours les bords du rivage. J'atteins toujours les